Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Federico Fellini, cinéaste de l'imaginaire. Il m'a dit, je vous appelais parce que je dois faire un film, qui était La Dolce Vita. Et le producteur de Laurentiis, il m'a proposé Paul Newman. Mais Paul Newman, il m'a dit, il est trop important. Moi, j'ai besoin d'un visage quelconque. Ouais, moi, je suis très content d'avoir une belle quelconque. Parce que je peux faire les films. Marcello Mastroianni raconte sa première rencontre avec Federico Fellini à la télé française en 1984. Mastroianni va faire partie de cette grande famille avec qui Fellini va construire l'une des œuvres les plus originales de l'histoire du cinéma au 20e siècle. Le monde de Fellini est celui du rêve et de l'imaginaire, de l'inconscient aussi, mais sous ses allures fantaisistes et parfois bouffonnes, son cinéma est celui d'un grand angoissé qui se réfugie dans le rêve et les souvenirs d'enfance pour mieux affronter ses démons intérieurs. I really did not expect it. Or perhaps I did, but not. But wait. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ou peut-être que si, mais pas avant 25 ans au moins. Peu importe, c'est mieux maintenant. I come from a country and I belong to a generation. Je viens d'un pays et j'appartiens à une génération pour qui l'Amérique et le cinéma étaient presque la même chose. Were almost the same thing. And now, to be here. Et maintenant, de me retrouver ici avec vous, mes chers Américains, me fait sentir chez moi. At home. I would like. Je voudrais tout d'abord naturellement remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Je ne mentionnerai que le nom d'une seule actrice, qui est aussi ma femme. Merci, ma chère Violetta, et s'il te plaît, arrête de pleurer. Thank you. Dear Giulietta, and please stop crying. Grazie. Sur la musique d'Amarcord, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1975, vous entendiez Federico Fellini recevoir l'Oscar hommage que lui a remis l'Académie en 1993. Avec cet Oscar hommage, c'est un total de 5 Oscars que va remporter Federico Fellini au cours de sa carrière. Pour nous présenter ce géant du cinéma italien, je reçois Hélène Faradji, critique de cinéma et Eddy Mestre pour la section cinéma du site web de Radio-Canada. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un géant, il occupe une place énorme dans l'histoire du cinéma au 20e siècle. Quelle place revient à Federico Fellini? Elle est immense. Elle est immense et elle est singulière aussi parce que c'est un cinéma extrêmement personnel que celui de Fellini. Cinéma qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, mais qui est presque inimitable. C'est-à-dire que seul Fellini pouvait faire des films comme les films de Fellini. Et pour avoir une idée de son importance dans l'histoire du cinéma, on peut simplement regarder les autres films parce que je ne peux pas compter le nombre de films et de plans dans lesquels on trouve soit une affiche de La Dolce Vita dans un décor, soit une citation de 8,5, soit des clins d'œil. Il y en a dans à peu près tous les films du cinéma contemporain. Oui, donc très, très grande présence. Une marque, il va marquer des générations de cinéastes et de cinéphiles. Son univers, en fait, sa signature, elle est tellement importante que son nom, Hélène Faradji, va se transformer en adjectif, ouais. Fellinien. Fellinien. Comment résumer, comment décrire ce style, cet univers fellinien? C'est la marque d'un grand auteur, hein, quand on peut transformer son nom en adjectif. Et effectivement, quand on dit fellinien, ça évoque tout de suite quelque chose à tout le monde, c'est-à-dire un univers extrêmement généreux avec des femmes plantureuses, un univers de rêve, d'imaginaire. Le cirque s'invite aussi très souvent quand on dit fellinien. C'est un monde d'inspiration, d'inconscient, de rêve, d'imaginaire. Ouais. Et un monde qui touche à l'universel. C'est très onirique, cet univers fellinien. Donc, il y a ce côté très universel de son cinéma. En même temps, il y a ce côté très italien. On y revient souvent d'ailleurs avec les Italiens. On a parlé de Sergio Leone qui est à la fois fois américain, mais très italien. Fellini, c'est pareil. Mm-hmm. L'Italie est partout dans ses films. Rome, il adorait Rome. Quelle place occupe l'Italie? Quelle place occupe Rome dans ce cinéma de Fellini? Alors, Rome, c'est évidemment la ville dans laquelle on sent que son cinéma est né, ou en tout cas a pris une ampleur extraordinaire. Parce que c'est un personnage, en particulier dans La Dolce Vita. Je veux dire, son image de la fontaine de Trevi avec Anita Ekberg et Marcello Mastroianni qui se baignent comme ça de façon très fantasque, c'est presque une pub d'un office de tourisme pour la ville, tellement ça donne une image spectaculaire. C'est à la fois une façon de faire de la ville un univers de cinéma, mais en même temps sans jamais la dénaturer ou sans jamais la transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'il avait cette façon de filmer l'Italie, que ce soit dans les lieux réels de Rome ou dans les studios de Cinecittà, comme un endroit à la fois mythique et extrêmement réel, extrêmement concret. Ouais. C'est vrai que, même si on voit beaucoup l'Italie et Rome dans ses films, Fellini, c'est un cinéaste de studio. Mm-hmm. Cinecittà va faire... C'est un peu son pays. Il va tourner beaucoup, beaucoup en studio. Oui. Revenons aux origines cinématographiques de Fellini. Comment ça commence? Comment il en vient à faire du cinéma? Alors, de façon assez surprenante, en fait, au départ, c'est le dessin qui l'intéresse. Il commence à faire des caricatures. Ça l'amuse beaucoup. Il est assez doué. Il va même aller à Rome pour ouvrir une boutique de caricatures où il fait des dessins des stars de cinéma. Mm. Et petit à petit, il va comme ça être repéré, va commencer à écrire pour d'autres cinéastes dans le domaine de la comédie et à un moment donné, rencontre déterminante avec Roberto Rossellini. Très étonnant parce que Rossellini, c'est le néo-réalisme, c'est-à-dire une façon de faire du cinéma, un reflet du réel dans ce qu'il peut avoir de plus dur, de plus concret, de plus terrible. Et finalement, les deux hommes vont s'entendre comme larrons en foire et Fellini va commencer à scénariser pour Rossellini. Et petit à petit, faire ses propres films à lui. Les premiers films dans lesquels, d'ailleurs, on sent une influence du néo-réalisme. Ouais. Il y a une sensibilité au réel qui va peut-être disparaître un peu par la suite, ou en tout cas qui va se transformer. Mais les origines de Fellini, elles sont néo-réalistes. Ouais. Son premier grand film, c'est La Strada en 1954. Il va connaître un peu de succès quand même avant, mais le premier grand film, c'est celui-là en 1954, La Strada, qui va récolter d'ailleurs aussi un Oscar. Que nous dit ce film-là, Hélène Faradji, sur le cinéma de Fellini, sur son parcours et sur, en fait, où il en est avec La Strada dans son parcours? Mais c'est justement, c'est cette première période où l'imaginaire de Fellini commence déjà à s'exprimer. Alors, avec ce personnage joué par Giulietta Massina, qui est une jeune ingénue, lunaire, il y a quelque chose de chaplinesque, mais en même temps, cette influence du néo-réalisme, puisqu'elle est achetée par un saltimbanque qui va la traiter de façon assez misérable, et elle va rencontrer un fou avec lequel elle arrive à parler, avec lequel quelque chose se passe. Donc, on est en même temps dans une critique d'un monde sans valeur, sans amour, et en même temps dans un imaginaire. On est dans le monde du cirque, de la fable. Donc ces deux influences-là se voient vraiment très très bien dans La Strada. Et La Strada, ce sera, et ça va être le cas pour toute la carrière de Fellini, mais ça vaut la peine de le signaler, La Strada, comme combien d'autres films, sera à la fois un succès populaire et un film qu'adoreront les cinéphiles. Oui, tout à fait. Ça fait partie du parcours de Fellini. Tout à fait. C'est peut-être un des cinéastes les plus récompensés de l'histoire du cinéma. Je veux dire, on a dit 4 Oscars du meilleur film étranger, La Palme d'Or, l'Oscar d'honneur, des prix au Festival de Venise, à plus savoir quoi en faire, et un véritable succès en salle, public, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui va marquer les gens. Tout à l'heure, je vous disais, on retrouve des affiches beaucoup dans d'autres films de Fellini, mais c'est parce qu'il a marqué les cinéphiles et le public. Ces films étaient des vrais succès en salle, sauf vers la fin où ça s'est un petit peu étiolé. Et puis en 1960, évidemment, au-delà de l'affiche, ce coup de tonnerre, Fellini qui réalise La Dolce Vita. Dans La Dolce Vita, comme vous savez, Fellini a réussi ce tour de force absolument exceptionnel à recruter des vedettes, des gens du monde, des aristocrates, les gens de ce qu'on appelle la haute société, et à leur faire jouer leur propre rôle. Ainsi, par exemple, Anita Ekberg, qui est un personnage connu dans le monde social compliqué et sophistiqué international, joue son propre rôle, joue son personnage. Dolce Vita, ou les bas-fonds de la haute société romaine. Dolce Vita Fellini, le désordre, le grandiloquent délire des images. Aussitôt en Italie, c'est le scandale, les boucliers catholiques se lèvent. Dans les palais de Rome, on interdit même aux femmes de chambre d'aller voir le film. Fellini s'explique. Toute œuvre est une confession, et si cette confession trouble ou indigne, c'est qu'elle est sincère, et à ce point, on peut dire qu'elle est même nécessaire. Évidemment, je n'avais ni prévu, ni imaginé que mon film diviserait au pays, mon pays, ou provoquerait une guerre civile. Je suis fier de cette polémique qui signifie que la Dolce Vita est un film vivant. Vous entendiez dans cet extrait le cinéphile Fernand Cadieu à Métro Magazine en 1960 et puis un extrait de l'émission Le troisième quart de siècle diffusée en 1976 dans lequel on pouvait entendre Federico Fellini. Qu'est-ce qui provoque, on l'évoque dans cet extrait d'Anne Faraggi, le film sera un grand succès mais fera scandale aussi. Oui. Pourquoi? Mais le film fait scandale parce qu'on est en 1960 et que l'Italie croit au miracle économique à l'époque. Donc on se dit tout va bien, l'Italie est en train de se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, tout est possible. Et Fellini arrive avec ce film qui dit pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, l'argent est là, l'opulence est là, la bourgeoisie est là, mais ça vient avec une crise des valeurs terrible. C'est des gens qui ne croient plus en rien, qui sont désespérés, qui sont cyniques, qui sont méchants les uns avec les autres. Et donc ce portrait de l'Italie, ou en tout cas de la réussite italienne vue à l'envers par Fellini, trouble beaucoup parce qu'on a envie d'y croire à l'époque. On a envie de croire que tout va bien, que le succès et la richesse sont à nos portes, mais Fellini vient dire, c'est pas tout à fait ça. Et de quelle manière, pour lui, c'est un film important? On dit souvent que ce film-là marque un virage dans sa carrière. Alors, en fait, c'est un film qu'il a fait juste après la mort de son père. Donc, c'est un film qui portait en lui une certaine mélancolie, une certaine tristesse, quelque chose de personnel qu'il avait probablement à régler. Mais c'est aussi un film qui va lui ouvrir les portes du succès international. C'est-à-dire que la Dolce Vita marque vraiment un tournant. D'ailleurs, 1960, c'est une année très, très importante en cinéma. Il y a ce film-là, il y a À bout de souffle, il y a L'Aventura aussi d'Antonioni. Donc c'est vraiment, les films marquent le discours sociopolitique mondial à l'époque. Ouais. Et un film comme La Dolce Vita vient vraiment parler de la société dans laquelle il parle. C'est avec ce film-là, La Dolce Vita, que Fellini amorce sa longue et sa très riche collaboration avec Marcello Mastroianni. On écoute à nouveau, plus longuement cette fois-là, Marcello Mastroianni raconter donc cette première rencontre avec Fellini, extrait de l'émission Aujourd'hui la vie, diffusée à Antenne 2 en France en 1984. C'est simple. Il m'a appelé, il m'a invité à aller à une plage à côté de Rome. Il m'a dit, je vous appelais parce que je dois faire un film, qui était La Dolce Vita. Et le producteur de Laurentiis, il m'a proposé Paul Newman. Mais Paul Newman, il m'a dit, il est trop important. Moi, j'ai besoin d'un visage quelconque. Alors, moi, je suis très content d'avoir une quelqu'un. Si je peux faire le film. Et j'ai dit, j'aimerais bien lire ensemble, le scénario ou quelque chose. Et il m'a dit, comment? Oui. Et il a appelé son scénariste. Il a dit, Agnès, viens ici, viens, apporte le scénario pour Mastroianni, il veut lire, lui. J'ai ouvert, mais il n'y avait rien. Les feuilles étaient tous blancs. Seulement, il y avait une feuille avec un homme qui nageait. Fellini, il a toujours fait des caricatures, comme on dit. C'est des il a commencé comme humoriste, sur un journal humoristique. Donc, il y avait cet homme qui nageait avec un énorme sexe, qui arrivait jusqu'à là-bas, au fond de la mer. Et autour de ce sexe, il y avait des sirènes qui, comme si nageaient en faisant une danse, voilà, qui tournait autour. Et moi, je suis devenu rouge, évidemment, pour les couleurs, qu'est-ce que je pouvais dire? C'est beau, c'est très intéressant. Et alors, je suis prêt à signer le contrat. Mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Ah, il n'avait d'autre choix. Marcello Mastroianni devant une offre aussi intéressante que de dire oui. Hélène Faraggi, blague à part, c'est une grande famille. Fellini va être très fidèle à différents collaborateurs, à Mastroianni entre autres. Quelle importance ils auront l'un pour l'autre? En fait, Mastroianni va être dans 6 films de Fellini et ça va vraiment être son double. Ça va être l'alter ego du cinéaste. Ça va tout particulièrement se voir dans 8 et demi où Mastroianni joue un cinéaste en crise d'inspiration qui est l'exacte réplique de Fellini. Mais effectivement, je pense que Fellini voyait dans Mastroianni quelqu'un qui était capable d'interpréter ou de porter tous les questionnements intérieurs qui pouvaient habiter Fellini. Donc je pense que c'est deux hommes qui avaient une complicité très très forte. Et puis il y aura d'autres complices, évidemment. Il l'évoquait au tout début dans cet Oscar hommage qu'on lui a remis en 93, la femme de sa vie, en fait, celle qui va partager sa vie, voilà, Giulietta Masina, elle fait partie de cette famille aussi, très tôt. Tout à fait, il la rencontre en 42, donc il est encore vraiment au tout début de sa carrière. Il se marie l'année d'après, elle va mourir quelques mois après lui, ils vont vraiment passer leur vie ensemble. Ça va être son personnage fétiche et peut-être le personnage de femme le plus sensible chez Fellini. C'est-à-dire que quand Masina est là, c'est souvent des personnages lunaires, candides, naïves, innocentes. Même quand elle joue une prostituée dans Les Nuits de Cabiria, c'est une prostituée qui croit au grand amour, de façon presque magique. Alors que les autres femmes dans le cinéma de Fellini sont peut-être idéalisée, fantasmée, sexualisée. Mais Masina, elle a vraiment une place à part. On a déjà entendu un peu de musique depuis le début de cette émission. Et cette musique, c'est toujours Voilà. La magnifique musique de Nino Rota, qui évidemment évoque l'univers du cirque, de la fanfare, mais apporte aussi cette nostalgie, cette mélancolie au film de Fellini. Ils vont faire 17 films ensemble. Nino Rota va être là jusqu'à sa mort dans le cinéma de Fellini. C'est vraiment... On avait parlé de Sergio Leone qui avait aussi cette collaboration musicale avec Nino Rota, c'est la même chose. Fellini ne va pas sans Rota, Rota ne va pas sans Fellini. Ouais, comme Ennio Morricone avec Sergio Leone. Et puis les scénaristes aussi, il y en aura deux qui seront vraiment très très près là, dans la garde rapprochée de Fellini. Tout à fait, c'est Tullio Pinelli et Ennio Flaiano. Ils vont être là dès le premier film de Fellini, Le Chèque Blanc, jusqu'à Juliette des Esprits. Après ça, il y en a un des deux qui va mourir, il va s'entourer d'autres collaborateurs, mais ils vont vraiment être là pour la grande période, donc la Dolce Vita, 8 et demi, etc. Federico Fellini nous a donné des œuvres inoubliables. Les Vitelloni, la Strada, la Dolce Vita. Aujourd'hui, il lance 8 et demi. Le film le plus déchiré, le plus vilipendé, mais aussi le plus admiré que les critiques estiment être un film de génie qui vous laisse pantelant, le souffle coupé. Le plus fellinien de toute l'œuvre de Fellini. Avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Madeleine Lebeau, Jean Rougeol. Le film de l'année. Le film de l'année, dit la bande-annonce à propos de 8 et demi à sa sortie en 63. Mais Hélène Faradji, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que le film de l'année. C'est tout Fellini, déjà en 63, qu'on retrouve dans ce film-là. Tout à fait. Et c'est étonnant parce qu'en fait, c'est un film qui est né de sa paralysie à écrire un film. C'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il fait la Dolce Vita en 60 et après ça, il ne sait plus quoi faire. Parce que justement, ça, la Dolce Vita a eu tellement de succès, tellement de retentissement qu'il se dit comment est-ce que je peux réussir à nouveau, et se retrouve paralysé, il commence une thérapie. Et durant cette thérapie, il se met à découvrir les écrits de Carl Gustav Jung. Et se met à s'intéresser à la psychanalyse, à l'inconscient, au symbolisme, à l'imaginaire. Et finalement, petit à petit, commence à comprendre que le sujet de son prochain film, mais ça peut être ça. Oui. Ça peut être ce qui se passe dans l'esprit d'un artiste qui n'arrive plus à créer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, il va aller chercher Mastroianni, va lui demander de l'interpréter en pleine crise d'inspiration. Et ça va donner un film incroyablement brillant, dans lequel l'intériorité de l'artiste devient un miroir dans lequel tout le monde peut se voir. Le film est construit comme un rêve, donc on se balade de crise d'angoisse jusqu'en euphorie soudaine d'avoir trouvé une idée, avec une inspiration dans chaque plan. C'est un film extraordinaire, véritablement, qui peut être vu et revu et revu et revu sans jamais s'épuiser. Et ça va le suivre, ça, cette introspection, cet homme, au fond, qui se réfugie, je le disais un peu au début, mais dans le rêve, dans l'imaginaire, pour fuir ses angoisses réelles, profondes, qu'il aura toute sa vie, Fellini. Il va tourner jusqu'en 1990, il meurt en 93, mais il tourne presque jusqu'à la fin. Comment résumer, si vous avez à choisir un ou deux exemples de ces films, la maturité, parce qu'il y aura de grands films après aussi. Oui, bien sûr. Ben, Amarcord, évidemment, je pense que c'est un des plus grands, le quatrième Oscar du meilleur film étranger, où il va revisiter ses souvenirs d'adolescence. C'est un film très, très sensible. positif où à la fois on retrouve cette nostalgie de l'enfance, d'un temps peut-être plus facile pour lui, et en même temps cette excentricité visuelle, ce foisonnement d'idées, de formes, qui je trouve représente bien ce qu'est Fellini. Sinon évidemment les Satyricon, Roma, enfin tous ces films de la dernière période qui sont peut-être un petit peu plus grotesques, ouais. Mais de façon très assumée, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette façon d'appréhender le réel sans jamais le caricaturer, mais en allant jusqu'aux extrêmes de ce qu'on peut représenter. C'est, oui, les femmes ont des seins énormes, mais on n'est pas là dans quelque chose de graveleux. On est dans une générosité qui déborde de chaque plan. Effectivement, le cinéma de Fellini vers la fin est peut-être un petit peu moins inspiré. On sent que c'est un homme peut-être plus fatigué. Ouais. Bon, je pense à la Voce della Luna, qui est son dernier film, où il manque peut-être un petit peu de cette folie-là, mais de cette dernière période, moi, je retiendrai Marc Ord. Oui. C'est un grand cinéaste qui voit grand et sur grand écran. J'entends par là qu'il va critiquer beaucoup. Puis je veux vous entendre là-dessus. Ça nous en dit beaucoup sur ce qu'est Fellini et la façon dont il voyait le cinéma, le septième art. Il va critiquer beaucoup la télévision à un moment oui, de sa vie. C'est vrai, surtout vers la fin de sa vie. En fait, il faut savoir que vers la fin de sa vie, c'est l'arrivée de Berlusconi. Oui. Hein. Donc Berlusconi qui commence à imposer son style, sa façon de faire dans la télévision italienne, donc justement avec des femmes montrées comme des objets sexuels, beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité. Et Fellini va s'insurger contre ça, que ce soit dans ses films, donc en continuant à vouloir faire des films pour le grand écran, en refusant que ces films soient coupés par des publicités quand ils sont diffusés à la télévision, mais aussi dans des tribunes, dans des lettres ouvertes, dans les journaux, où il critiquait ouvertement Berlusconi, il s'en prenait vraiment ouais. directement à lui, comme un tueur de culture, un assassin de ce qui pouvait relever de l'imaginaire. Mmh. Il meurt donc en 93, en nous laissant quel héritage, Hélène Faradji, quand vous regardez un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les grands écrans, où est-ce qu'on peut apercevoir à droite, à gauche, ici et là, une touche fellinienne? Effectivement, il faut parler de touche parce que personne n'a réussi véritablement à avoir ce foisonnement que pouvait avoir Fellini, mais on le retrouve par exemple chez Caro et Jeunet, dans Delicatessen, des films comme ça, chez Terry Gilliam aussi, qui est quelqu'un qui utilise beaucoup le storyboard quand il travaille, comme le faisait Fellini. On peut penser à David Lynch aussi, qui est quelqu'un qui a beaucoup exploré l'imaginaire, l'inconscient, le symbolisme. Tout ça, ça vient de Fellini. Et puis évidemment, celui qui lui a rendu hommage, j'ai envie de dire, en l'imitant presque, c'est Paolo Sorrentino avec La Grande Bellezza, qui est d'une certaine façon une relecture de la Dolce Vita dans les dernières années, mais qui n'arrivait pas à la fantasmagorie fellinienne. Mais on sent que c'est que la Dolce Vita a profondément marqué Sorrentino. Hélène Faradji, comme toujours, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Hélène Faradji, critique de cinéma et dimestre à la section cinéma du site web de Radio-Canada. Merci également à Mathieu Beauchamp, la de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Vaillancourt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.